l'épidémie de Covid-19 et les maladies émergentes, le cerveau, l'antibiorésistance, le cancer, la veille sanitaire, les podcasts de l'Institut Pasteur, une série de 5 podcasts pour faire le point sur la recherche et ses avancées. À retrouver sur toutes les plateformes à l'occasion du Pasteur Don. Elles ont certainement empoisonné votre été à la ville ou à la campagne, en France ou en Europe, c'est bien simple, elles étaient partout, 5 fois plus que l'an dernier. Cet été 2020 restera comme l'été des guêpes. Peu d'insectes sont autant haïs que les guêpes et les frelons, à part peut-être les moustiques, jugés nuisibles, dangereux, bons à être détruits, noyés dans ces pièges à sucre desquels ils ne peuvent plus ressortir. Eh bien, détrompez-vous. Les guêpes en particulier et les hyménoptères en général ont des rôles écosystémiques majeurs, qu'il s'agisse de lutte contre les nuisibles ou de pollinisation. Après cette heure d'émission, vous serez réconcilié avec les guêpes, ou presque. Le nid de guêpe, c'est le programme piquant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour repérer cette entreprise de réconciliation avec les guêpes et les frelons, puisque les abeilles ont un régime dérogatoire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Claire Villemant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes attachée honoraire au Muséum National d'Histoire Naturelle, à l'Institut Systématique Évolution Biodiversité et ancienne responsable de la collection d'hyménoptères, que nous irons visiter d'ailleurs tout à l'heure. Bonjour Cantarome. Bonjour. Vous êtes responsable frelons asiatiques et autres hyménoptères au sein de l'unité mixte de services patrimoine naturel, également au Muséum National d'Histoire Naturelle. Mais on commence par butiner l'actualité scientifique du week-end avec le premier prix Nobel de cette saison 2020. C'est dans le Journal des Sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence donc avec le 111e prix Nobel de médecine qui est attribué donc à Harvey Alter, Michael Houghton et Charles M. Rice pour leurs travaux sur l'hépatite C. Oui, encore une fois, ce sont des prix Nobel très masculins. Avec ce trio anglo-saxon, on retrace l'histoire de l'identification de l'hépatite C. Ce virus qui se transmet par le sang est l'une des premières causes du cancer du foie et provoque environ 400 000 décès chaque année. Mais depuis 2011, de nouveaux médicaments permettent la guérison dans plus de 95% des cas. Alors, cette maladie est apparue dans les années 70. À cette époque, l'Américain Harvey Alter, le premier lauréat, examine des tests sanguins et découvre ce nouvel agent pathogène, une forme d'hépatite virale chronique qu'il appelle hépatite non A et non B. En 1987, l'anglais Michael Houghton utilise une nouvelle approche de clonage moléculaire et parvient à identifier le génome complet du virus. Et enfin, en 2004, l'américain Charles Rice perce les secrets de sa réplication virale. Jean Dubuisson est directeur de recherche CNRS au Centre d'infection et d'immunité à l'Institut Pasteur de Lille. Il a fait son post-doctorat avec Charles Rice. Donc Rice est arrivé... C'est le troisième, si vous voulez, dans la liste des trois lauréats. Lui, il était un spécialiste à l'époque des virus de la même famille, les flavivirus. Et donc, il savait comment ces virus étaient organisés. Et donc, il a très rapidement développé tous les outils pour étudier ce virus. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte que malgré tous les outils moléculaires développés, ce virus restait toujours résistant à la culture cellulaire. Donc il a développé vraiment des outils spécifiques qu'on appelle un réplicon, c'est un mini-génome viral qui est capable de se répliquer de façon autonome, donc qui permettait pour la première fois d'étudier le mécanisme de réplication du virus en culture cellulaire, même si ça ne conduisait pas à l'apparition de nouveaux virions capables de réinfecter des cellules. Et de fil en aiguille, il a reconstitué progressivement un virus complet, un génome complet, et au bout du compte, 15 ans après l'identification du premier morceau de génome du virus de l'hépatite C par l'équipe de Michael Houghton, en 2004, un système de culture cellulaire a pu être produit à partir de tout le travail sur le génome du virus de l'hépatite C grâce aux travaux de l'équipe de Rice et aussi grâce aux travaux d'autres équipes, bien sûr. En fait, en 25 ans, on a pu développer des outils, des molécules qui traitent complètement cette infection virale. C'était vraiment la success story en termes de recherche dans le domaine des virus. Et en une génération, on est passé d'un virus complètement inconnu à un traitement qui est maintenant utilisé sur la Terre entière et qui soigne des millions de patients à travers le monde. Voilà pour le prix Nobel de médecine 2020. On continue à suivre cette semaine de Nobel avec la physique demain, la chimie mercredi. Et puis on laissera le camarade Mathieu Garrigou-Lagrange s'occuper de la littérature jeudi. Et ce sera le prix Nobel de la paix vendredi. Et on passe au bref. David Larousserie, notre camarade du journal Le Monde, alerte sur la baisse du budget européen de la recherche. Et en juillet dernier, le Conseil européen a décidé d'un plan pour réduire de 5 milliards d'euros le budget de la science et de l'innovation, baptisé Horizon Europe, pour 2021-2027. La Global Young Academy, un collectif d'une vingtaine d'académies européennes, a signé une lettre ouverte aux eurodéputés et aux gouvernements nationaux. Cette lettre dénonce ces coupes budgétaires et en particulier celles contre les ERC et le dispositif Marie Curie, deux systèmes de bourse. De nombreuses organisations scientifiques européennes s'inquiètent de l'avenir des jeunes chercheurs. Des négociations sont toujours en cours. Selon les premiers résultats d'un essai clinique français, les tests salivaires pour détecter le SARS-CoV-2 fonctionneraient. Ce sont des résultats préliminaires assez encourageants. Selon le communiqué du CNRS paru aujourd'hui, le nouveau test salivaire, EasyCov, présente une efficacité presque similaire à celle des tests PCR nasopharyngés. 220 patients infectés ou non symptomatiques et asymptomatiques ont été testés avec les deux méthodes. EasyCov permet d'obtenir des résultats plus rapidement, en seulement 40 minutes, et il détecte 87,5% des patients positifs, avec très peu de faux positifs. 720 personnes supplémentaires doivent encore être intégrées à cette étude clinique afin d'obtenir des conclusions solides. Et enfin, selon une prépublication sur le site Archive, en 1978, la NASA avait peut-être déjà trouvé des biosignatures dans l'atmosphère de Vénus. Le 14 septembre dernier, une équipe britannique a déclaré avoir détecté dans l'atmosphère de Vénus des traces de phosphine, un gaz qui peut éventuellement être un signe de vie. Mais des doutes persistent sur la véracité de ce signal. Des chercheurs américains viennent de réexaminer de vieilles données de la NASA, celles du spectromètre de masse de la sonde Pioneer Venus Multiprobe en 1978, qui a mesuré les masses de différents composés dans l'atmosphère de la planète. Alors, selon cette prépublication, ces données pourraient constituer un deuxième indice de la présence de phosphine. Par ailleurs, de nombreuses missions sur Vénus sont déjà prévues. Il y a la sonde Bepi Colombo, le programme Envision de l'ESA d'ici 2032 et la NASA qui vient d'envisager deux nouvelles missions, Da Vinci Plus et Veritas. Et voilà, on reparlera plus longuement des biosignatures. Ce sera le thème de notre émission de demain. Merci Natacha. Elles vous ont très probablement enquiquiné tout l'été à la ville comme à la campagne. Les guêpes étaient, selon les sociétés spécialisées dans la destruction de nids, 5 fois plus nombreuses cette année que l'année dernière. Pourquoi une telle invasion? Rien à voir a priori avec le confinement, mais avec un hiver extrêmement doux, l'absence de gelées tardives qui ont réduit le niveau de mortalité chez les rennes à leur réveil au printemps, une situation donc à laquelle nous pourrions avoir à nous habituer. D'autant que si les populations d'insectes sont globalement en chute libre, celles des guêpes communes et celles des frelons asiatiques se porterait bien, notamment au contact des humains et des écosystèmes modifiés, beaucoup de nourriture à proximité et pas mal de cavités ou nidifiées. Mais toutes les guêpes en particulier et tous les hyménoptères en général ne sont pas nuisibles. C'est même une famille extrêmement vaste et diverse, comme en témoigne notre archive du jour. Le régime des guêpes se rapproche bien plus de celui des fourmis que de celui des abeilles. Contrairement à ce que croient beaucoup de personnes, les guêpes de nos régions ne font pas de miel. Elles sucent avec délices la confiture et divers jus sucrés, mais elles ne les entreposent pas dans le nid. Les guêpes de chez nous ne font d'ailleurs aucune sorte de provision et le nid sert uniquement à élever les larves. Elles sont en effet surtout prédatrices et prélèvent de la viande partout où elles la trouvent. C'est pour cette raison qu'on les voit souvent voler autour de l'étal des bouchers, où elles sont d'ailleurs attirées par les grosses mouches que la saison chaude y amène parfois. Elles se jettent dessus, leur coupent rapidement les ailes et les pattes et les réduisent à une petite boulette qu'elles ramènent entre leurs pattes au nid. Il ne faudrait pas toutefois généraliser à l'excès. S'il est vrai que chez nous, comme nous l'avons d'ailleurs vu antérieurement, le nid ne dure qu'une saison, les femelles passant l'hiver à l'abri et recommençant à construire un nid au printemps, il n'en est pas de même sous les tropiques. En Amérique, par exemple, des espèces hautement sociales, les polybies, fabriquent des nids permanents, énormes, de la hauteur d'un homme. On peut en voir un dans les galeries d'entomologie du muséum. Où les guêpes entreposeraient non seulement des liquides sucrés, mais peut-être aussi des proies. En tout cas, une guêpe d'Amérique, la Nectarina, est nettement mellifère. Comme chez les abeilles, il existerait chez les polybies une certaine division du travail. Certaines ouvrières feraient exclusivement partie du service extérieur et partiraient à la recherche de proies ou de matériel de construction. Des signaux d'alarme auraient été observés, par lesquels certaines exploratrices viendraient recruter des sédentaires qui s'envoleraient à leur suite quand le besoin s'en fait sentir. Voilà, extrait de l'heure de la culture française en octobre 1969. Une réaction, Clairvillemont, à cette description assez complète, ma foi. Bah oui, ça donne tout à fait une idée de ce que sont les guêpes et de leur diversité. Et effectivement, certaines caractéristiques des guêpes tropicales, certaines guêpes tropicales n'ont pas les mêmes caractéristiques que les guêpes de chez nous. Peut-être un mot, quant à Rome, sur l'invasion de cet été. Il va falloir s'habituer à avoir des étés comme ça remplis de guêpes. Oui, hélas, en fait, on a. C'est des choses qu'on a pu démontrer grâce à l'invasion du frelon asiatique, qui est une guêpe sociale, donc qui a un cycle annuel, mais qui a un cycle de vie long. Et les deux espèces de guêpes qui sont communes près de nous, les deux espèces qui nous ont bien embêtés cet été, sont des espèces qui ont aussi un cycle long, et donc c'est des espèces qui sont très sensibles aux gelées tardives, notamment au printemps. Et en fait, on a fait pour le frelon asiatique des scénarios sous réchauffement, des modélisations sous scénario de réchauffement climatique. Et ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, il y aura des années favorables au développement du frelon asiatique. Donc on peut penser que ce sera exactement pareil chez ces guêpes-là. Il y a donc bien aucun lien strictement avec le confinement et avec le fait qu'il y ait eu moins d'activité humaine. Ça, c'est vraiment strictement lié au climat. Non, je pense qu'il n'y a aucun lien avec le confinement. Et même à l'inverse, je pense que beaucoup plus de personnes ont marché dans la rue ou marché dans leur jardin et ont détecté beaucoup plus de petits nids de guêpes qu'on peut avoir au printemps. Donc... À mon avis, ça a pu au contraire avoir l'effet inverse. Peut-être ralentir un peu ce qu'on aurait pu avoir. Clairvillemont, tout ça, c'est vrai. Ce qui est vrai pour la France, c'est vrai pour le reste de l'Europe, pour des gens. Oui. Pour la zone tempérée. Après, il n'y a pas les mêmes espèces forcément dans toutes les régions du monde, mais en tout cas en Europe, c'est à peu près les mêmes espèces et ces fluctuations de population sont connues depuis extrêmement longtemps. Et le terme année à guêpe existe déjà depuis. Extrêmement longtemps, quoi. Ça ne date pas des 10 dernières années. Il y a eu des années à guêpes, il y a 100 ans, il y a 50 ans. Il y a eu des périodes où il y a eu beaucoup de guêpes. La seule chose qui peut changer maintenant, c'est que ça se répète plus souvent qu'avant. Quand on dit beaucoup de guêpes, c'est toujours la même espèce. C'est la guêpe ordinaire, entre guillemets. Vous allez peut-être nous dire son nom scientifique, Clairvillemont. En fait, il y a plusieurs guêpes dites ordinaires. Enfin, les plus communes, c'est Vespula germanica et l'autre espèce Vespula vulgaris. Mais après, vous avez beaucoup d'autres espèces du genre Vespula ou du genre Dolicovespula qui se ressemblent toutes. Et donc, sans études de spécialistes, c'est assez difficile de les reconnaître. On peut les reconnaître avec la forme de leur nid et la position de leur nid. Certaines nidifient plutôt dans le sol, d'autres plutôt dans les buissons, etc. Mais globalement, elles ont toutes à peu près la même allure et le même comportement. Est-ce que quant à Rome, il faut tuer les guêpes par exemple, c'est vrai qu'on a vu fleurir sur les terrasses, vous savez, ces petits pièges avec des bouteilles inversées, de l'eau sucrée. On a tendance à dire que, et on en a beaucoup parlé au cours de cette émission, que les populations d'insectes sont en chute libre. Est-ce que c'est vrai pour les guêpes? Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'invasion, en cas d'année à guêpes? Alors en fait, il y a vraiment deux espèces de guêpes qui sont des guêpes qui ont une tendance charognarde, donc c'est la germanique et la vulgaris. Qui ont tendance à venir être attirés par notre nourriture beaucoup plus que les autres. Donc c'est celles-là qui sont en général chassées. Après, placer des pièges, le problème des pièges, c'est qu'ils vont attraper, il n'y a pas de pièges sélectifs, ils vont attraper beaucoup d'autres espèces d'insectes. Et surtout, ça ne changera pas grand-chose au problème, parce que les guêpes, de toute façon, la population dans les nids va augmenter quasiment exponentiellement pendant tout l'été. Donc en fait, on va en capturer une part mineure, qui est celle qui ne vont pas venir à table, en fait, celles qui vont être attrapées un peu sur le passage. Et on a plutôt tendance à recommander d'essayer d'éloigner les guêpes en leur donnant à manger un petit peu plus loin de choses qu'on aurait à table nous. Et du coup, elles leur donnent à manger un petit peu avant, un quart d'heure avant de venir à table. Et du coup, ça permet de laisser les guêpes sur la zone où elles ont la nourriture. Et elles viennent plus sur notre nourriture à nous. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc essentiellement des guêpes et des frelons, des hyménoptères de façon un peu plus générale, mais comme on a déjà pas mal parlé des abeilles et on avait consacré une émission spéciale aux abeilles, dont on va vous mettre d'ailleurs le lien sur notre fil Twitter, on va se concentrer sur ces guêpes et ces frelons dont nous parlons avec Claire Villemant et Quentin Rome. Parce que c'est vrai, Claire Villemant, quand on parle des hyménoptères, c'est peut-être l'une des plus grandes familles d'insectes, ça regroupe énormément d'espèces et de taxons. Voilà, c'est un groupe extrêmement diversifié. En fait, le seul groupe d'insectes qui est vraiment beaucoup plus diversifié que les hyménoptères, c'est le groupe des coléoptères, c'est-à-dire des scarabées. Mais après, vous avez trois groupes à peu près d'égale importance en diversité, qui sont les mouches, les papillons et les hyménoptères, qui sont donc guêpes, abeilles et fourmis. On connaît à l'heure actuelle à peu près 150 000 espèces d'hyménoptères. Mais on pense qu'il y en a un nombre beaucoup plus considérable parce qu'il y en a encore énormément d'espèces à découvrir, en particulier des espèces qui sont qui sont microscopiques, qui mesurent un millimètre, voire certaines beaucoup moins, parce que ces guêpes-là sont des guêpes qui sont parasites, c'est-à-dire qu'elles se développent à l'intérieur du corps d'un autre insecte. Et donc certaines vont même jusqu'à parasiter des œufs de papillons ou même des œufs d'insectes encore plus petits. Et donc vous avez des guêpes qui peuvent mesurer moins d'un millimètre de long et qui vont aller parasiter un œuf d'un autre insecte lui-même très petit. Et ces espèces-là sont très mal connues. C'est vrai que l'image générale, générique qu'on a de la guêpe, c'est les deux espèces que vous décriviez, Germanica et Vulgaris, qui oui. sont des guêpes qui vivent en nid, qui sont des espèces eusociales, mais c'est loin d'être le cas générique des guêpes en règle générale et des hyménoptères en particulier, Claire Villemant. Oui, tout à fait. En fait, le seul groupe d'hyménoptères où toutes les espèces sont sociales, c'est les fourmis. Mais en dehors de ça, si vous regardez les guêpes ou les abeilles, c'est un chiffre extrêmement faible. C'est-à-dire, parmi les abeilles, les espèces qui vivent en société représentent qu'à peu près 2% de la totalité des abeilles. Parce que les abeilles sont un groupe extrêmement diversifié. Mmh. Et parmi les guêpes, enfin, en tout cas, la famille à laquelle appartiennent les Vespula et les frelons, eh bien, il n'y a que 2% des espèces aussi, ou 1,5%, je ne sais plus, enfin, de cet ordre-là. 2% d'espèces qui sont sociales. Toutes les autres sont solitaires. On va voir les différences. On va voir qu'évidemment, au sein de cette grande famille des guêpes et des frelons, il y a, comme vous venez de le dire, beaucoup de différences et de singularités. Peut-être un mot de phylogénétique, Claire Villemant. Les différences sont importantes entre les guêpes et les abeilles. Ce sont deux branches qui sont séparées il y a longtemps. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce sont des branches qui sont séparées il y a longtemps, oui. Les guêpes, les fourmis et les abeilles sont apparues, enfin on connaît le plus ancien fossile à peu près il y a 100 millions d'années. Mmh. Voilà, et donc ils sont vraiment, enfin les fourmis sont plus proches des guêpes que les guêpes des abeilles, d'un point de vue phylogénétique. Quand t'as un Rome, un mot là-dessus sur la phylogénétique des guêpes, non? Je saurais pas vous rajouter. De savoir exactement où est l'embranchement. Peu importe, on va donc s'intéresser vraiment avant tout aux guêpes et aux frelons. Pareil, alors là, pour le coup, les guêpes et les frelons, c'est très différent, c'est relativement similaire. Les frelons sont une espèce de guêpe, on sait pas très bien. Non, en fait, les guêpes et les frelons, c'est la même chose. Enfin, les guêpes sociales et les frelons, c'est la même chose. C'est juste qu'on a un nom vernaculaire spécial pour les grosses guêpes. C'est ça. Qui est frelon, mais en fait, c'est exactement. Il y a des choses qu'on appelle guêpes sociales qui sont plus éloignées entre elles que ne le sont certaines guêpes des frelons. Quelle serait la morphologie type de ces hyménoptères, des guêpes particulièrement, c'est-à-dire le point commun, parce qu'on voit que comme l'a dit Claire Villemant, qu'il y a beaucoup d'espèces très très différentes. Quelles sont les caractéristiques qui définissent l'espèce? Les guêpes en général, ouais. Ça va être un peu compliqué parce que guêpes, c'est ça veut pas dire grand-chose. On va dire les guêpes sociales, elles sont toutes elles ont deux paires d'ailes, elles ont une tête bien séparée, un thorax, un abdomen, une taille de guêpe. Et elles ont des antennes qui sont coudées et des mandibules qui sont assez développées. Après, il y a guêpes au sens large, et là, on va sur des choses beaucoup plus vastes. Je pense qu'on peut même parler des symphytes qu'on appelait des mouches-ci, qui sont en fait des guêpes au sens large, dans le sens que c'est des hyménoptères, qui n'ont même pas de taille de guêpe. Donc, c'est vraiment très diversifié en forme. Donc, c'est pas. Claire Villemant, pour compléter sur ces traits communs qui seraient les traits communs les plus répandus dans l'espèce? Dans l'espèce, enfin, dans le. Pour le coup, c'est pas l'espèce. Oui, c'est pas l'espèce, pardon. En fait, les hyménoptères, c'est un ordre qui comprend à peu près pas loin d'une centaine de familles différentes. Et parmi ces familles, vous avez un groupement de familles, de plusieurs familles, qui sont qui font partie des groupes les plus ancestraux, qui sont les symphytes, et qui ont la particularité de ne pas avoir de taille de guêpe. Mais tous les autres hyménoptères que les symphytes ont une taille de guêpe. Mmh. Et parmi ces hyménoptères qui ont une taille de guêpe, vous avez une très très grande diversité de groupes, avec, disons, à l'extrémité, dans la partie la plus terminale de la phylogénie, les groupes comme les abeilles en particulier, et les guêpes sociales. Enfin, non pas les guêpes sociales, les vespidés, c'est plutôt, parce que d'accord. C'est ça qui est compliqué, c'est que le mot guêpe englobe beaucoup trop de choses pour que oui. On puisse être explicite quand on en parle. Voilà. Et c'est exactement ça. C'est le problème, c'est qu'on n'a pas de nom vernaculaire pour chaque groupe d'hyménoptères, et donc on va avoir tendance à les appeler des guêpes abeilles, des guêpes strictes, des guêpes parasitoïdes. Et donc c'est un petit peu. Ou des frelons éventuellement. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est, c'est pas facile d'en parler comme ça en français, et on se retrouve rapidement à donner des noms latins. Et c'est pas... on peut donner les noms latins avec plaisir même. Peut-être une question par rapport à ce qu'on connaît justement de la guêpe sociale. Ce qui est intéressant, c'est que sur la paire d'ailes que vous décriviez, Quentin Rome, il y a une seule émotrice. Une seule paire d'ailes motrices, c'est la guêpe sociale. Alors là, vous m'apprenez quelque chose. C'est pas impossible. Ce qui se passe, la particularité des hyménoptères, c'est que les deux ailes antérieures et postérieures de chaque côté donc, sont attachées l'une à l'autre. Ça, c'est une particularité de l'ensemble des hyménoptères. Il y a un système de crochets des ailes postérieures qui vont s'enclencher dans une espèce de gouttière de l'aile antérieure. Et donc, dans le vol, les ailes battent en même temps. Elles ne battent pas indépendamment. L'aile antérieure et l'aile postérieure battent en même temps. Ça, c'est la particularité des hyménoptères en général, pas spécialement des guêpes. Est-ce que toutes les guêpes sont venimeuses? Est-ce que toutes les guêpes possèdent des glandes venimeuses, Claire Villemain? Non, c'est pareil. C'est compliqué parce que... écoutez, voilà, je pense que le plus simple pour qu'on s'y retrouve, c'est que si on parle des guêpes sociales, Vespula, frelons, etc., ces guêpes-là appartiennent à la famille des Vespidés. Alors, on va parler des Vespidés. Voilà. Et donc, parmi les Vespidés, vous avez 2% d'espèces qui sont sociales et toutes les autres sont non sociales. Voilà. Et vous avez encore d'autres guêpes qui sont non Vespidées et qui peuvent appartenir à peu près peut-être 80 familles différentes. D'accord. Alors si on reste... C'est très complexe. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça qu'on va essayer de décrire un peu, parce qu'on va parler des guêpes parasitoïdes, des guêpes non sociales, parce que c'est l'écrasante majorité. Mais si on reste chez les Vespidés, qu'est-ce que c'est que les glandes venimeuses, cet appareil avec ce dard, c'est partagé par toutes les guêpes sociales, c'est partagé par une partie des guêpes non sociales. Comment est-ce que ça se répartit, Claire Villemain? Là, c'est tout un groupe qu'on appelle le groupe des aculéates, qui veut dire donc les porte-aiguillons. Et tout le groupe des porte-aiguillons comprend les fourmis, les abeilles et les guêpes vespidées. Et un certain nombre d'autres petites familles dont on ne parlera pas ici, mais voilà. Donc, il y a énormément de familles d'hyménoptères qui sont porte-aiguillons. Tous les autres, qui sont essentiellement des guêpes parasitoïdes, si on exclut les symphytes, qui sont des guêpes un peu différentes et dont les larves sont phytophages, toutes les autres sont des parasitoïdes. Des guêpes parasitoïdes. Pardon, je vous en prie, allez-y. Je voulais juste dire que comme ce sont des guêpes parasitoïdes, ce sont des porte-tarrières, c'est-à-dire qu'ils portent quelque chose qui ressemble à un aiguillon, mais dont le rôle n'est pas de piquer un ennemi, mais de déposer un œuf à l'intérieur, soit du corps d'un autre insecte, soit d'un végétal, etc. C'est-à-dire que c'est le même organe qui a muté ou qui a évolué de façon différente en fonction que ce soit un porte-aiguillon ou au contraire que ce soit des guêpes parasitoïdes ou ce sont des organes de reproduction de ponte en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un ovipositeur, donc un organe de ponte, qui est donc appelé tarière chez les hyménoptères parasites, et qui est devenu un aiguillon chez les aculéates. Et chez les aculéates, en fait, la ponte se fait par un orifice qui se situe à la base de cet appareil vulnérant. Est-ce que le venin des guêpes est véritablement dangereux, Quentin Rome? Alors dangereux, il est dangereux si on est allergique, c'est toujours le problème. On peut être allergique au venin de guêpes ou d'abeilles, et en France, la population allergique, c'est de l'ordre de 4% à peu près, ça dépend des régions. Mais pour les autres personnes, une piqûre est douloureuse mais pas dangereuse, à moins qu'elle soit dans la bouche par exemple. Mais sinon, il faut plusieurs centaines de piqûres pour avoir un risque de mortalité. Et j'ai lu aussi que on a tendance à dire que la piqûre du frelon est plus dangereuse que la piqûre de guêpe. Or, c'est absolument pas le cas. Et c'est pas le cas du tout. Elle est plus douloureuse, mais la douleur est pas liée à la dangerosité. Elle est liée à quoi? Elle est liée à la douleur. D'accord. Claire Villemont, sur ce venin, j'ai lu aussi que il y avait aujourd'hui des recherches et qu'on commençait, on en a parlé d'ailleurs dans le journal des sciences il n'y a pas très longtemps, de recherches sur certaines propriétés médicinales, notamment du venin de guêpe, qui pourraient avoir des propriétés notamment anticancéreuses. Alors écoutez, je n'ai pas creusé la question, mais effectivement, il y a énormément de travaux qui sont faits sur les venins, que ce soit les venins d'abeilles ou les venins de guêpes, et effectivement, certaines des substances de ces venins ont une activité à l'échelle médicale qui est intéressante à creuser. Alors, parlons un peu des vespidés dans un premier temps, et puis on parlera des parasitoïdes dans un deuxième temps. Peut-être que il y a quelque chose d'assez particulier chez les hyménoptères en règle générale, c'est que les systèmes de reproduction sont donc évidemment particuliers, soit parasitoïdes, soit sociaux, mais dans tous les cas, les mâles sont haploïdes et les femelles sont diploïdes, Claire Villemont. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu? Ça, c'est une particularité vraiment des hyménoptères. C'est ce qu'on appelle l'haplodiploïdie. C'est-à-dire qu'en fait, quand une femelle s'accouple, elle va stocker les spermatozoïdes du ou des mâles avec lesquels elle s'est accouplée. Et ensuite, elle va contrôler au moment de la ponte le fait que l'œuf qu'elle pond est fécondé ou non. Donc, elle va ouvrir ou laisser fermer la spermathèque et donc permettre ou non qu'un spermatozoïde féconde l'œuf qu'elle est en train de pondre. Et en fait, c'est la théorie de Dzierzon. Donc, c'est un homme qui a étudié ce phénomène chez l'abeille et qu'il a appelé la théorie du sexe à la disposition de la mère. Donc la mère, en gros, choisit le sexe de sa descendance au moment de la ponte. Alors évidemment, ce n'est pas un acte conscient, mais c'est un acte qui est dépendant des conditions du milieu. Et par exemple, chez un parasite qui va pondre dans un hôte de petite taille, une femelle de parasite qui va pondre dans un hôte de petite taille, va pondre un œuf non fécondé, parce que ça va donner un mâle, oui, parce que je n'ai pas été jusqu'au bout de mon explication. Quand l'œuf est fécondé, il va donner une femelle. Quand l'œuf n'est pas fécondé, il va donner un mâle. Mmh. Et donc, les mâles chez les hyménoptères sont très souvent beaucoup plus petits que les femelles. Et donc, une femelle de parasite qui va pondre un œuf dans un hôte de petite taille va pondre un œuf non fécondé. Donc, ça donnera un mâle. Et comme les mâles sont plus petits, ils ont besoin de moins de nourriture. Donc, ils sont mieux adaptés à un hôte de petite taille. Et par contre, quand l'hôte est de grande taille, la femelle va pondre un œuf fécondé. Et de cette façon-là, sa descendante femelle aura suffisamment à manger pour se développer normalement. Ce qui est intéressant, c'est que pour les guêpes sociales, la plupart des ouvrières, ce qu'on appelle les ouvrières, ce sont des ouvrières stériles. C'est-à-dire qu'il y a tout un système aussi de régulation de la population, mais ça n'est qu'à un certain moment de l'année que la reine va se mettre à pondre des animaux sexués. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, alors, chez les guêpes sociales, on est sur un cycle annuel dans les zones tempérées. Et donc là, en fait, une reine ne vit qu'un an. Et en fait, la reine va produire une phéromone qui va inhiber le développement des ovaires des ouvrières. Donc les ouvrières vont rester stériles tant que la reine est présente. Et en fin de vie, la reine va pondre des œufs de femelles qui vont donner des futures reines. Elle va mourir. Les œufs vont se développer en femelles. Et les ouvrières, n'ayant plus d'inhibition par la phéromone de la reine, vont se mettre à avoir les ovaires qui vont se développer. Et comme elles n'ont pas été fécondées, elles vont pondre des œufs de mâles et donner des mâles. D'accord. Et donc ensuite, je crois que l'accouplement, on peut parler d'accouplement pour des guêpes, oui, l'accouplement n'a lieu qu'une seule fois à l'automne. Et a lieu qu'une seule fois à l'automne. Et donc, comme a expliqué Claire, les femelles vont garder le sperme dans une spermathèque et les mâles vont mourir pendant l'hiver. Et ça donc du coup c'est donc le contrôle du sexe par la mère. Comment ça se passe? On parle, je parle sous votre contrôle, Claire Villemont, on parle de parthénogenèse arénotoxe, c'est ça? Oui, alors la parthénogenèse arénotoxe, c'est quand un œuf se développe sans être fécondé et donne un mâle. D'accord. Parce qu'il y a des cas particuliers chez des hyménoptères où il n'y a plus que des femelles. Et à ce moment-là, les femelles pondent des œufs qui donnent que des femelles. Et dans ces cas-là, on a un autre type de parthénogenèse qui s'appelle télitoque. Et alors, comment ça c'est pour les guêpes sociales, les vespidés. Comment ça se passe pour les guêpes parasitoïdes, puisqu'il n'y a pas de colonie, du coup, il y a juste, comment catégorie de guêpe choisie ou est à parier finalement à un animal hôte, et comment se passe le cycle reproductif, Claire Villemont? Alors, en fait, il y a toute une série de relations. Il y a des systèmes de phéromones et de chéromones. Les phéromones sont des substances qui sont produites par un individu d'une espèce pour attirer les individus de la même espèce. Donc, par exemple, une femelle de parasite va émettre des phéromones pour attirer les mâles, pour s'accoupler avec eux, donc les mâles de la même espèce. Et puis ensuite, cette femelle sera attirée par un certain nombre de substances produites par la plante hôte ou par l'hôte lui-même, qui vont donc l'attirer vers le lieu où est présent cet hôte. Alors, suivant les guêpes parasites, là, vous pouvez avoir des guêpes parasites qui parasitent des œufs d'insectes, d'autres qui parasitent des larves d'insectes, et d'autres qui parasitent, mais beaucoup plus rarement, non, qui parasitent assez souvent des chrysalides ou des nymphes d'insectes, et beaucoup plus rarement d'adultes d'insectes. Et donc, quand elles ont trouvé leur hôte, alors c'est parfois assez complexe, quand elles ont trouvé leur hôte, la femelle va insérer son ovipositeur, sa tarière, à l'intérieur du corps de l'hôte ou à la surface du corps de l'hôte et déposer un œuf. Et ensuite, la larve va se développer en consommant son hôte, soit à l'extérieur, donc en perçant la peau de l'hôte pour aspirer les liquides de l'hôte, soit en vivant carrément, en se développant à l'intérieur de l'hôte et en consommant ses tissus. Est-il vrai que les larves ont l'instinct, alors je sais pas comment on peut dire ça sans l'anthropomorphiser trop, mais ne commencent que par les organes non vitaux pour maintenir la proie en vie le plus longtemps possible? Complètement, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elles vont commencer par consommer les tissus graisseux, puis après les muscles. Et le système nerveux est attaqué tout à fait à la fin, au moment où l'animal est déjà quasiment vide, quoi. C'est très impressionnant. Mais parfois, enfin, ça dépend des types de parasites, mais dans certains cas, l'hôte reste actif, même continue à bouger, alors qu'il a déjà perdu une très grande partie de ses chairs, quoi. Un mot sur les frelons, il y a sur les cycles reproductifs. Donc les frelons sont tous sociaux, Quentin Rome ? Les frelons sont tous sociaux, oui. D'accord. Mmh. Et donc les nids de frelons s'organisent comme les nids de guêpes, c'est-à-dire avec une reine, avec des ouvriers. C'est plus petit, c'est plus grand, comment ça s'organise ? Alors ça dépend des espèces, mais les nids de frelons sont autour d'une seule reine. Il y a les espèces de frelons, c'est des reines uniques. Et donc il y a les ouvrières qui vont vivre autour, avec qui vont élever le couvain. Donc c'est une colonie, c'est un peu comme une colonie d'abeilles, avec des alvéoles, des cellules alvéolées qui sont orientées vers le bas. Et voilà, et les larves, les ouvrières vont s'occuper de nourrir le couvain. Ces nids-là sont plus petits, sont plus gros, ça dépend vraiment complètement des. Ça varie de combien à combien d'individus à peu près? Le problème, c'est que comme c'est des espèces qui ont des cycles annuels, ça commence en début de saison par un seul individu qui est la reine, et ça va grandir progressivement. Et pendant le pic, une colonie, par exemple, de frelons d'Europe, qui est une espèce qui est pas très populeuse, on est sur peut-être grand maximum 700-800 individus. Chez frelons asiatiques, on va être à plus de 3000 individus. Et on a des espèces qui peuvent être probablement un peu plus populeuses qui sont qu'en Asie. Donc c'est des choses qui sont très variables. À côté de ça, les guêpes germaniques peuvent dépasser 5000 individus dans une colonie. Donc le nid en lui-même peut faire quasiment la même taille pour une guêpe, mais les individus sont beaucoup plus petits. Frelons asiatiques, c'est un pléonasme en fait, parce que tous les frelons sont originaires d'Asie. Tous les frelons asiatiques, oui, effectivement. Mais maintenant, on commence même nous à le dire. Mais son vrai nom vernaculaire, c'est le frelon velouté. Rapidement, ce qui a été pris, c'était le nom anglais, c'est le frelon à pattes jaunes, qui est un peu plus explicite. Mais hélas, on a un peu perdu face à la presse, et c'est devenu frelon asiatique. Oui. Donc maintenant, je ne sais pas comment on va faire quand il y aura d'autres frelons asiatiques qui vont arriver. Mais... Parce que vraiment, toutes les populations de frelons se retrouvent en Asie du Sud-Est. Tous les frelons, toutes les espèces sont présentes en Asie du Sud-Est, oui. Et c'est juste certaines espèces qui sont présentes jusqu'en Europe. Ça veut dire que le frelon européen, en fait, pareil, est une importation précédente? Non, c'est juste qu'il est présent sur toute la zone paléarctique, donc il peut être de la Russie, enfin de l'Asie du Sud-Est jusqu'à chez nous, en passant par la Russie. Et on a un autre exemple qui est frelon oriental, qui est présent vraiment à l'ouest de l'Asie du Sud-Est, et quasiment jusqu'au Maghreb. Et donc ce frelon velouté, pour ne pas l'appeler asiatique, il a été introduit, on le sait maintenant, en 2004. Il a été introduit, alors avant 2004, la première preuve de présence qu'on a, c'est 2004. Et alors il se trouve que c'était un horticulteur du Tarn-et-Garonne, c'est ça ? De Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne, pardon. Et on a su d'où est-ce qu'il importait ses poteries et ses plantes. Et en faisant des expéditions, en récupérant du matériel, on a pu faire des analyses de génétique populationnelle et on a démontré que c'était la population qu'on avait en Europe aujourd'hui, introduite en France, était originaire de la région d'où il importait ses poteries. Donc ça tend à confirmer que c'est bien lui qui a importé le frelon accidentellement. Ça veut dire qu'il est possible qu'une seule importation soit à l'origine de l'invasion qu'on connaît dans toute l'Europe, dans l'Espagne, en France, puisque maintenant il n'y a quasiment plus aucun département qui est épargné ? Alors actuellement, oui, il n'y a quasiment plus que la Corse et le Haut-Rhin. Donc ça fait peu de choses pour la France métropolitaine. Après, la population d'origine, on ne peut pas exactement savoir. On sait que c'est une femelle ou plusieurs qui étaient sœurs qui ont été introduites. Mmh. Et donc il y a peut-être plusieurs individus. Ça ne peut pas savoir, mais en tout cas, c'est des individus qui étaient très proches génétiquement. Parce que le taux de reproduction est assez élevé. Je crois que c'est à partir de si on a un nid une année, il y en a quatre l'année d'après. Et c'est quelque chose qui est pareil. C'est comme la guêpe. Il y a des années à guêpe et des années sans guêpe. Ouais. Et c'est pareil avec le frelon asiatique. Après, une colonie frelon asiatique, on l'a bien étudié, ça, pour le coup. C'est peut-être une des espèces aujourd'hui qui est la mieux connue en Europe. Et une colonie est capable de produire un minimum de 500 futures reines. Et probablement, on est plutôt de l'ordre de 1000 à 1500 produites par une colonie. Donc ça produit énormément d'individus. Il y en a énormément qui meurent de toute façon pendant l'hiver et pendant le printemps. Et après, c'est les conditions climatiques qui vont ajuster. Et donc on peut avoir des cas où on va en avoir 4 fois plus. Des fois, ça sera 3 fois moins. Enfin. Mmh. Claire Villemain, vous vouliez intervenir ? Non, je... Quentin a dit tout ce que je voulais. Non, oui, enfin, je voulais juste préciser que, en fait, c'était des collègues du CNRS qui ont fait les études avec le matériel qu'on avait ramené et qui ont donc fait les études génétiques. On dit qu'il y avait une ou plusieurs reines, mais en tout cas un très petit nombre qui était à l'origine de la population présente en France. Mais c'est possible qu'il n'y en ait eu effectivement qu'une seule. On n'en est pas sûr. Mais c'est pour imaginer à quel point les potentialités de multiplication sont quand même assez importante, quoi. On va voir évidemment que ces guêpes et ces frelons, ça n'est pas très agréable dans la psyché collective, mais vous allez voir qu'en fait, ces insectes et ces hyménoptères ont bien des services à nous rendre et ne sont pas les ennemis que l'on veut bien imaginer. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. If I hide in my bed with the lights on the floor, wearing three layers of coats and leg warmers, I see my own breath on the face of the door. Oh, I am not quite sleeping. Oh, I am fast in bed. They're on the wall in the bedroom. I see a wasp with her wings outstretched. I come out wearing my brother's red hat. There on his shoulder my best friend is bit. 7 times he runs washing his face in his hands. Oh, how I meant to tease him. Oh, how I meant no harm. Touching his back with my hand, I kiss him. Sophie Ocean Stevens à 16h40 sur France Culture. The Predatory Wasp of the Palisade is out to get us. Puisque nous parlons des guêpes et des frelons tout au long de cette heure en compagnie de Claire Villemont, qui est attachée honoraire au Muséum National d'Histoire Naturelle, à l'Institut Systématique Évolution Biodiversité et ancienne responsable de la collection d'hyménoptères que nous allons visiter dans quelques secondes. Et Quentin Rome, qui est responsable frelons asiatiques et autres hyménoptères au sein de l'unité mixte de services patrimoine naturel au Muséum National d'Histoire Naturelle. Donc voilà, faire un reportage sur les guêpes, c'est vrai qu'on a voulu envoyer Antoine Beauchamp avec une équipe de pompiers pour déloger à la main un nid de frelons asiatiques. Oui. Et finalement, on a renoncé face aux pressions de sa famille. Du coup, Antoine, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes rendu dans la collection des hyménoptères du Muséum National d'Histoire Naturelle. Oui, et c'est très impressionnant, comme à chaque fois qu'on se rend dans les collections du Muséum d'Histoire Naturelle, de se faufiler entre des étagères où sont rangés près d'un million de spécimens appartenant à quelques 6000 espèces d'hyménoptères. Annielle Touré-Albi est la responsable de cette collection qui réunit aussi près de 2000 nids. Elle nous décrit comment sont conservés ces hyménoptères de la collection et notamment les guêpes et les frelons, mais aussi comment ils sont étudiés. Les plus anciens spécimens qu'on va pouvoir avoir, c'est fin 1700, début 1800. C'est vraiment les plus anciens. Et puis jusqu'à nos jours, puisque c'est une science qui continue en permanence. Donc là, si je prends une vieille boîte, c'est un petit format. Quand on ouvre, il faut faire bien attention. Hop, c'est en deux parties. Donc ce sont des spécimens qui sont conservés à sec. Ils sont collectés et ensuite préparés et séchés. Préparés plus ou moins bien en fonction de la quantité et du besoin qu'on a. Parce qu'avant d'être beau, il faut que ça soit étudiable. Donc là, c'est une boîte qu'on dit à double fond, qu'on n'utilise plus maintenant parce que c'est dangereux avec le chevauchement des insectes, tout simplement. Celle-ci n'est pas très remplie, mais voilà, il y en a, c'est aléatoire. Alors nous, on va parler essentiellement des guêpes et des frelons en particulier, parce que l'ordre des hyménoptères est très vaste. Oui. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait trouver une boîte de tout ces... Tout à fait. Alors on va directement aller là où ils sont classés. Donc on passe les abeilles et on arrive par ici. On est au niveau des vespoïdes, avec les guêpes très classiques qu'on va avoir dans les vespides. Et vous avez donc ici le frelon asiatique Vespa velutina qui se retrouve ici. Et la guêpe, hop, en fait tous les noms sont répertoriés sur les tranches. Vespula, c'est par là. Voilà, ici. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir le classement taxonomique, c'est de s'y retrouver plus rapidement. Vespa velutina... C'est une boîte tout à fait différente. Tout simplement parce que ça, c'est les boîtes récentes qui sont des boîtes de travail. Les boîtes de collection sont vertes et marron lignées. Les boîtes de travail sont noires sans ligne parce qu'on peut piquer, dépiquer, déplacer sans détériorer la boîte. Voilà, donc les frelons, les fameux frelons asiatiques sont ici en partie. En tout cas, certains représentants sont ici. Et la boîte de collection, neuve. Avec les guêpes. Voilà, toujours à sec. Vous évoquiez tout à l'heure l'importance de la conservation de ces spécimens-là pour leur étude. Alors comment on étudie des insectes qui sont conservés comme ça dans des boîtes ou Et ils ne sont pas tous conservés à sec dans des boîtes. Ils peuvent être conservés dans de l'alcool. Et je pense qu'on est de plus en plus amené à les avoir en alcool pour pouvoir étudier l'ADN. Comment on les étudie? Simplement, les personnes, les chercheurs ou amateurs avertis qui veulent faire leur étude s'adressent ici au muséum et demandent une consultation. Je les reçois, je les oriente dans la collection, ils prennent le spécimen. C'est vrai que les spécimens sont rarement bien gros, mais de toute façon, même quand ils sont gros, on a souvent besoin d'une binoculaire, souvent d'étudier donc la morphologie. Les couleurs aussi, mais souvent aussi de plus en plus les parties génitales, etc. De manière générale, sur les espèces d'insectes ou quel que soit... Enfin voilà, l'intérêt c'est d'avoir des points de repère dans le temps. C'est comme si c'était de l'archivage en cours de lecture, ou toujours en cours de lecture, puisque ça évolue en permanence. Et donc, on a besoin de se référer au passé pour pouvoir comparer au présent. Et les grandes questions, c'est... l'évolution de l'espèce ou de la famille, la répartition biogéographique. On peut avoir aussi des questions tout simplement de lutte biologique. Il y a plein de questions, il y a plein de questions. Chacun vient avec son lot de questions, mais grosso modo, c'est l'étude de la biologie de l'insecte et des comportements, et souvent vis-à-vis de l'homme. Voilà, l'évolution. Qu'est-ce qui disparaît aussi, c'est... et qu'est-ce qui apparaît ? Alors, il n'y a pas que les spécimens d'hyménoptères qui sont conservés ici, il y a aussi des nids. Comment on étudie un nid de guêpe ou de frelon et qu'est-ce qu'on va chercher à comprendre en étudiant ces nids ? Par exemple, pour le frelon asiatique, on a commencé par étudier, étudier les nids, les alvéoles et tout ce qui constitue le nid pour évaluer les populations. Après, les nids que vous avez vus ici sont parfois très vieux. C'est vrai qu'on n'en a pas ramassé depuis longtemps. C'était une collection qui était plus ou moins endormie. C'est pour ça qu'il est important de la remettre, non pas à jour, mais de la ranger elle aussi de manière taxonomique pour pouvoir s'y retrouver, faire plus facilement des comparaisons. Ces nids ont parfois servi à des descriptions originales d'insectes. Donc c'est le nid associé à l'insecte qui l'a construit. Après, c'est aussi l'étude des mœurs de l'insecte. Est-ce qu'il est solitaire, grégaire ou... est-ce qu'il vit en société, etc. Est-ce qu'il utilise des végétaux pour construire son nid ? Et à ce moment-là, est-ce que des végétaux lui sont indispensables ? C'est bien souvent le cas. C'est la liaison, en fait, entre le végétal et l'animal, et le milieu et l'animal. Voilà cette visite de la collection des hyménoptères du Muséum National d'Histoire Naturelle que vous avez dirigée. Claire Villeban, un mot sur ce reportage, une réaction ? Bon, écoutez, ça donne une idée de la structure de cette collection, mais en fait, c'est vrai que si on n'a pas l'occasion de la voir, on ne se rend pas compte de à quel point il y a une richesse en espèces à l'intérieur de cette collection et la magnifique diversité des hyménoptères, parce que c'est un groupe mal connu, hein, puisque même les abeilles, les gens connaissent surtout l'abeille domestique, mais pas tellement les autres espèces, les guêpes. On connaît les guêpes sociales, mais on connaît mal les autres guêpes solitaires, même parmi les vespidés. Et quand on peut regarder cette collection de près, en ouvrant les boîtes, on s'aperçoit que c'est absolument étonnant, la diversité de ce monde des hyménoptères. On continue à découvrir des espèces de guêpes chaque année ? Complètement, oui. Et en fait, c'est un groupe qui a été longtemps... assez mal étudié, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont extrêmement petites, et donc elles sont moins collectées, moins facilement observées, etc. Et à l'heure actuelle, à l'aide de toutes les techniques qu'on a, aussi bien au niveau des captures qu'au niveau des observations, on peut décrire de plus en plus d'espèces d'hyménoptères. Et par ailleurs, on s'est aperçu avec la génétique qu'il y avait énormément d'espèces, que ce qu'on appelle des espèces jumelles ou des espèces cryptiques. C'est-à-dire que une certaine guêpe parasite avec une certaine couleur qui semblait parasiter un très grand nombre d'espèces différentes de papillons, par exemple, eh bien, on s'est aperçu avec les génétiques qu'en réalité, il y avait parfois même jusqu'à 10 espèces différentes qui étaient rassemblées sous le même nom d'espèce, d'une seule espèce, parce qu'en fait, morphologiquement, les individus se différenciaient pratiquement pas très peu. À la vue. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on parle pour finir cette émission justement du rôle écosystémique des hyménoptères. On dit des guêpes ou des frelons qu'ils sont nuisibles. Est-ce que c'est le cas, Quentin Robb? Est-ce qu'on peut parler d'espèces nuisibles pour les espèces courantes ou pour le frelon velouté dit asiatique ou pour la guêpe vulgaris ou germanica? Mais espèce nuisible, c'est un peu, c'est-à-dire nuisible en partie aux activités humaines ou nuisible. Nuisible dans le sens qu'elle nous dérange, mais il y a un ressenti, en tout cas nuisible. C'est vrai qu'avoir des guêpes qui viennent essayer de nouveler notre nourriture quand on mange dehors, c'est jamais agréable. Surtout que voilà, ça peut piquer. Après, il faut voir que les guêpes ont un rôle important dans l'environnement. Alors, comme quasiment tous les insectes, ils sont pollinisateurs parce qu'ils vont chercher des liquides dans le nectar des fleurs. Y compris les guêpes vulgaris, y compris les guêpes sociales, oui, elles y vont. Et en plus, elles sont prédatrices. Et comme c'est des grands prédateurs, un peu à l'équivalent du loup ou de l'ours, donc c'est à leur échelle, mais elles ont un rôle important dans la régulation de ravageurs des cultures, notamment. Comme c'est des espèces sociales, comme la baie domestique, elles vont se communiquer les endroits où il y a la nourriture en densité, et donc elles vont rapidement... exploiter une ressource d'un ravageur qui pourrait pulluler. Donc elles ont un rôle important aussi de régulation de ravageurs. Claire Villemont, justement, sur ce double rôle, pollinisation et régulation de ravageurs, par exemple, quel type de ravageurs s'en prennent les guêpes vulgaris ou germanica, les guêpes classiques ou sociales? Les guêpes sont assez polyphages, elles s'attaquent à beaucoup d'insectes différents, mais si vous avez une pullulation, par exemple, de chenilles à un moment donné, par exemple la pyrale du buis, qui se met à pulluler maintenant, eh bien on s'est aperçu que les guêpes, les frelons, venaient capturer des chenilles de pyrale du buis, parce qu'à ce moment-là, il y en avait beaucoup à un même endroit. Donc c'était une source de nourriture, et donc elles peuvent avoir un rôle régulateur. Et notamment le frelon asiatique. Et oui, vous disiez. J'ai notamment le frelon asiatique. On a plusieurs observations de frelons asiatiques qui chassent la pyrale du buis. Alors, le frelon asiatique, on dit aussi beaucoup que c'est un vrai fardeau et une plaie pour les apiculteurs parce que quelques frelons asiatiques peuvent venir à bout d'une ruche en quelques heures seulement et faire un carnage parmi les abeilles. C'est vrai, c'est pas vrai? Comment est-ce qu'on fait pour faire cohabiter ces deux espèces? C'est un petit peu exagéré. En fait, c'est souvent, il y a des images qui sont diffusées. Et c'est en général frelons géants d'Asie qui a été introduit il n'y a pas longtemps aux États-Unis, donc qui peut être introduit aussi, pourquoi pas chez nous, mais qui lui fait effectivement des dégâts très importants. Il va détruire une ruche en quelques heures. Le frelon asiatique, il est plutôt, si on se place à l'échelle, une colonie, un individu, c'est plutôt un parasite. Son intérêt à lui, c'est de chasser, de venir chasser régulièrement des ouvrières devant la ruche, et c'est pas de la détruire. Non, il va pas consommer les larves, justement, il va consommer les adultes, donc il va affaiblir la ruche parce qu'il va consommer les adultes, mais normalement, il essaie de pas la détruire, sinon il faudra qu'il retrouve d'autres sources de nourriture. Et ils ont plutôt tendance à vouloir garder, en gros, donc c'est vraiment un parasite, garder des sources de nourriture stables. Le problème qui pose en Europe, c'est que nos abeilles n'ont pas coévolué avec un frelon qui chasse de cette façon, et qu'en fait, elles ont une réaction qui n'est pas adaptée du tout. Elles vont se mettre à arrêter de sortir quand le frelon va être présent devant la ruche. Et du coup, le frelon, en plus de manger des ouvrières, va réduire la quantité de nourriture qui est ramenée à la ruche puisqu'elles arrêtent de sortir. Et donc, c'est un affaiblissement qui va être plus ou moins important en fonction de la quantité de frelons, qui peut amener à, effectivement, la mort de la ruche, mais donc plus généralement à l'automne ou à l'hiver. Claire Villemont, sur ce frelon velouté dit asiatique aux pattes jaunes, et sur une stratégie aujourd'hui d'éradication, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut absolument détruire toutes les ruches que l'on trouve? Il faut essayer de le supprimer des territoires où il est implanté? Ou est-ce que maintenant qu'il est là, il faut composer avec? Vous voulez dire détruire les nids? Oui, détruire les nids, oui. Oui. Écoutez, en toute objectivité, on est conscient que essayer de lutter contre cette espèce à l'heure actuelle, dans l'état où est l'invasion, c'est impossible. On ne s'en débarrassera pas. Donc, on peut lutter, essayer de détruire le maximum de nids. Si on arrivait vraiment à détruire quasiment tous les nids qu'on voit, on pourrait peut-être vraiment réduire les populations. Le seul problème, c'est que les nids sont dans les arbres et ils ne sont visibles que quand les arbres perdent leurs feuilles, pour la très grande majorité d'entre eux. Et quand les arbres ont perdu leurs feuilles, en fait, les colonies ont déjà essaimé, déjà produit les générations sexuées. Donc, à ce moment-là, détruire le nid n'a plus d'intérêt. Et on détruit finalement très peu de nids avant la production de la génération sexuée. Donc, les moyens de lutte sont extrêmement limités. Et le système de piégeage qu'on utilise à l'heure actuelle a le défaut de ne pas être spécifique. Donc, quand on capture des frelons asiatiques, on capture énormément d'autres insectes. Donc, on a un impact sur le reste de la biodiversité. Et par ailleurs, arriver à avoir des pièges qui permettraient de capturer une quantité suffisante de frelons pour que la colonie soit détruite, c'est à l'heure actuelle, il n'y en a pas, quoi. Donc, c'est pas objectif d'essayer de se débarrasser de l'espèce. Donc, ce qu'on doit faire, c'est trouver des moyens de protéger les ruchers. Ouais, c'est ce que j'allais un peu rajouter, c'est qu'effectivement, il faut être quand même un petit peu optimiste. On commence à avoir des systèmes, donc notamment quelque chose qu'on appelle la musulaire, qui est une grille qu'on met à l'entrée de la ruche, qui permet juste d'éloigner un petit peu le frelon de l'entrée de la ruche, et ce qui fait que les abeilles stressent moins et maintiennent quand même une activité à 80%. Ça, c'est pour protéger les ruches. Donc, ça protège les ruches. Ouais. Et donc on a petit à petit des choses. Les pièges, on peut espérer qu'on en aura des plus sélectifs dans le futur quand même. On peut être optimiste sur la recherche. Et donc à terme, on peut espérer avoir quand même des moyens de protéger l'apiculture et que le frelon asiatique soit moins problématique. On a souvent parlé ici de l'effondrement des populations d'insectes et de des diverses études qui montrent l'étude allemande qu'on cite souvent et qui, je sais, peut être un peu critiquée, mais enfin en tout cas qui fait office de signal d'alarme d'une chute de 80% des insectes en 30 ans. Claire Villemant, aujourd'hui les hyménoptères sont au même régime, c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a autant de guêpes que ça, on n'a pas l'impression que la population de guêpes baisse particulièrement au même rythme que les autres insectes. Alors les guêpes sociales sont relativement peu menacées par ce phénomène, mais l'ensemble des guêpes solitaires sont, elles, extrêmement concernées, comme tous les autres insectes. Alors ce qu'il faut bien comprendre quand on dit une chute de 80% ou 70% de la population d'insectes, c'est en individus, c'est pas en espèces. Hein. C'est-à-dire que parmi les insectes volants, 80% des individus ont disparu par rapport il y a 20 ou 30 ans. Donc les populations sont beaucoup moins nombreuses pour chaque espèce. Et ça, c'est les espèces de guêpes ou d'abeilles solitaires sont extrêmement menacées par ce phénomène. Et les espèces parasites le sont d'autant plus qu'elles-mêmes dépendent d'autres espèces d'insectes. Et donc si les populations de ces espèces d'insectes qui sont hôtes des parasites déclinent, eh bien les populations de parasites déclinent à leur tour. Mmh. Quant à Rome, sur la disparition, oui, sur la qualité finalement du nombre d'individus de ces différents hyménoptères. Ouais, je ne vais pas avoir grand-chose à rajouter, à part qu'effectivement, il y a quelques espèces, notamment la plupart des guêpes sociales, qui elles se portent bien à proximité de l'homme, donc elles vont continuer à se porter bien, mais c'est une extrême minorité, on l'a dit, c'est 2% des espèces qui sont présentes en France, même pas. Donc les autres, effectivement, sont plutôt en grande raréfaction, comme la majorité des insectes. Vous diriez, pour conclure l'un et l'autre, qu'il faut réhabiliter la guêpe, le frelon aussi, qu'il faut leur redonner un statut ou de les protéger, les aimer au même titre que les abeilles, par exemple, Claire Villemant ? Bah écoutez, je pense qu'il faut raisonner en se disant que toutes les espèces d'insectes qui vivent chez nous doivent être protégées. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est protéger les environnements. Parce qu'en fait, énormément d'espèces, ce qui fait qu'elles diminuent en nombre, c'est qu'elles sont soumises à des pressions, que ce soit la pollution, les insecticides, la fragmentation des milieux, etc., etc. Tous ces éléments-là, l'urbanisation, tous ces éléments-là font pression sur l'environnement et par définition font pression sur tous les êtres vivants qui dépendent de cet environnement. Donc on peut pas dire on va protéger les uns et pas protéger les autres. On protège tout et surtout d'abord on protège les environnements. Quant à Rome ? C'est difficile de rajouter quelque chose, à part qu'on peut peut-être dire quand même que les guêpes, malgré, ont une mauvaise réputation parce qu'elles piquent, mais elles piquent jamais juste par plaisir, elles piquent pour se défendre en général, et il faut aussi voir ça comme ça. On est beaucoup plus gros qu'elles, et donc forcément, elles sont plus rapidement impressionnées. J'ai lu qu'il y avait plus de morts par piqûre d'abeille, mais genre nettement plus par piqûre d'abeille que par piqûre de guêpe ou de frelon. Oui, alors il y a les 130 poisons, notamment quand le frelon asiatique est arrivé, qu'on fait un suivi un peu plus peut-être poussé qu'avant, et on est sur 80% des accidents qui sont dus à l'abeille domestique. Mais ce qui est quelque chose d'assez logique, puisqu'en fait l'abeille domestique est encore en plus forte densité à proximité de l'homme, donc on la rencontre beaucoup plus. Et un dernier mot, est-ce qu'on peut imaginer que les guêpes puissent être utilisées justement, rendre des services écosystémiques pour les agriculteurs, pour se débarrasser, pour éviter, pour diminuer le nombre d'intrants de pesticides, en deux mots, quant à Rome ? Ah oui, alors les guêpes, notamment les guêpes parasitoïdes, sont utilisées en lieu biologique. Ça, c'était peut-être plutôt clair de répondre, ouais, spécialiste du sujet. Les autres guêpes peuvent être utiles aussi par leur action de prédation, comme on avait dit tout à l'heure. Eh bien, ce sera malheureusement le mot de la fin, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Quentin Rome. Merci Claire Villemant d'être venue nous aider à réhabiliter les guêpes et les frelons. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. François Malordi, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Eve Etienne, Céline Lezen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Michael Simon à la technique. Demain, après la phosphine sur Vénus, nous parlerons biosignature, comment repérer ou détecter la présence de vie sur une autre planète en analysant son atmosphère. Et ce sera évidemment après un commentaire et une interview sur le prix Nobel de physique qui sera remis demain à la mi-journée, dont nous vous parlerons demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.